Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et RadioRGB.net. Le temps fort, art et humanité. Bonjour Frédéric Ferrer. Vous êtes Bonjour. Auteur et metteur en scène d'un spectacle qui a pour titre Borderline, Investigation 1. On le dit à la française ou à l'anglo-saxonne ? Vous le dites comme vous voulez. Très bien. Spectacle qui fait partie d'un cycle artistique et scientifique, ai-je lu ? Et là, nous allons voir un volet de ce type de création ? Oui, exactement. C'est le premier volet d'un nouveau cycle que je commence autour du questionnement des limites du monde. En fait, dans mon travail, je fonctionne très souvent par cycle. J'ai commencé il y a 15 ans un cycle qui s'appelle « Les chroniques du réchauffement » et puis il y a 10 ans, un autre cycle qui s'appelle « Les cartographies » qui sont des cycles toujours en cours. Et donc, j'ai démarré là un troisième cycle en fait qui s'appelle donc « Borderlines Investigation » qui est un cycle qui questionnera les limites du monde dont les limites aujourd'hui sont de plus en plus prégnantes puisque nous les atteignons de toutes parts en fait. Limites écologiques, mais aussi limites territoriales, etc. Ouais. D'ailleurs, je suppose que ce spectacle qui va être présenté ici à Cergy-Pontoise au cours de ce mois de mars arrive dans un contexte singulier qui résonne fortement avec votre texte et votre mise en scène. Là, je parle de la crise sanitaire et du coronavirus, bien sûr, même si le spectacle ne traite pas particulièrement de ce sujet. Oui, alors le spectacle ne traite pas du coronavirus parce que le spectacle est créé il y a maintenant un an et demi, donc il n'en était pas question. Mais on voit bien avec cette crise du coronavirus, comme dans d'autres crises, en fait, que la question de la frontière, de la limite, des limites imposées sont de plus en plus prégnantes. Et dans le spectacle, on pourra faire des liens évidents avec le coronavirus au sens où nous questionnons, nous aussi, des limites territoriales, franchissables, infranchissables, qui sont imposées aux êtres humains et aux vivants de manière générale. Pour ce spectacle, vous interrogez une question ô combien redoutable, à savoir la catastrophe écologique et l'effondrement du monde qu'elle engendre. Un sujet très clivant, le moins qu'on puisse dire, et cela à l'échelle planétaire, entre d'un côté les activistes de toutes sortes, de l'autre côté des déclinologues et catastrophistes de tout genre également. Quel est votre parti pris ? Le parti pris, il est d'abord d'analyser l'effondrement en cours de notre civilisation, de le poser à partir des critères qui sont aujourd'hui mis en avant dans la plupart des articles scientifiques qui traitent de l'effondrement de notre civilisation, ou du moins de l'effondrement écologique du monde, et ensuite de tenter de trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, on compare en fait avec d'autres civilisations qui se sont effondrées avant nous et qui ont tenté elles aussi de mettre en œuvre des solutions. Et on regarde en particulier une civilisation qui est la civilisation des Vikings du Groenland, qui est l'exemple, l'un des exemples les plus fameux d'une civilisation qui a totalement disparu en 1430 sans laisser aucun survivant. Et qui est un très bel exemple d'effondrement de civilisation et qui pose question depuis longtemps parce qu'on ne sait pas trop pourquoi ils se sont effondrés. Et la plupart des lectures, c'est de dire qu'ils se sont effondrés pour des causes écologiques. Et en fait, à travers le spectacle, on fraye avec une autre version des faits, que peut-être en fait les Vikings ne se seraient pas du tout effondrés, peut-être qu'ils ne seraient absolument pas morts de faim, peut-être qu'ils auraient trouvé d'autres solutions, et c'est ce que le spectacle essaye de démontrer, et de voir surtout si la solution, d'abord quelle est la solution que les Vikings ont trouvée, et cette solution peut-elle être la nôtre aujourd'hui, bien c'est ce que le spectacle essaye de dire. Sur scène, quatre experts internationaux qui appartiennent au groupe de recherche et d'action en limitologie, le Graal. Oui. Souvent on se dit quelle est la part de réel, quelle est la part de fiction, et là on voit que sur un sujet comme celui-ci, les limites se réduisent fortement entre fiction et réalité. Oui, bah en fait les travaux, mon travail depuis dans ce spectacle, comme dans les précédents, en fait, se nourrit de travaux réels, de recherches documentaires. Donc on est que sur des choses qui sont... Toutes les choses qui sont énoncées dans le spectacle sont réelles, sont vraies, sont démontrables, sont vérifiables. Mais ensuite, on crée des raisonnements qui tendent à montrer, en fait, à mettre de la distance avec le réel, à montrer, en fait, par le raisonnement, par une espèce de logique, de révéler l'absurde des situations. Donc, au fond, c'est un spectacle qui est nourri de choses qui sont... Enfin, tout ce qui est dit est vrai, exact, vérifiable, et en même temps, tout ce qui est dit est totalement absurde. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui traite de l'effondrement de manière assez décalée, absurde, drôle, voilà. Sur scène, on assiste à une vraie fausse conférence, c'est ça ? Un improbable colloque. Et pourtant, les sujets, comme vous venez de le dire, cependant, c'est l'état du monde, le changement climatique, la disparition des espèces, le plasticage des océans, tous les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, non ? Voilà, exactement. Oui, ce sont des sujets, ce sont les sujets d'aujourd'hui qui sont mis sur un plateau de manière à les questionner dans la forme d'un colloque assez... une conférence colloque, on va dire, à plusieurs, où on parle en même temps tous, donc un colloque un peu très calé et en même temps très décalé, assez déjanté, parce que les experts qui prennent la parole n'arrêtent pas de se couper la parole précisément et d'ouvrir des parenthèses dans les discours des autres, ce qui crée, au fur et à mesure de l'ouverture des parenthèses dans la parenthèse de la parenthèse de la parenthèse, ce qui crée un discours qui n'arrête pas de s'enfuir et de non pas tourner en rond, parce qu'on finit toujours par faire fermer les parenthèses et d'avancer dans la progression, mais qui finit par créer quand même des décalages assez absurdes. Ouais. J'ai lu dans la presse, mariage réussi entre comique absurde, façon Monty Python et transmission de véritables enjeux scientifiques. C'est dire effectivement que c'est peut-être par l'absurde que l'on peut faire mieux prendre conscience de cet état du monde ? En tous les cas, le monde est absurde, donc je fais un spectacle à l'image du monde. Spectacle fondé, j'ai lu, sur une pratique particulière de l'oralité. Sur scène, effectivement, quatre experts internationaux, dont vous-même, vous vous êtes mis en scène, je crois savoir. Oui. Et donc, ce travail particulier sur l'oralité, énonciation, éléments de langage, points à développer, phrases clés, phrases avec ou sans verbe, avec ou sans sujet, et le tout rythmé par de multiples projections, alimentées par des cartes, des textes, des vidéos. C'est de cela qu'il s'agit ? Oui, exactement. C'est un travail où on convoque le réel sous différentes formes à chaque fois. Donc vidéo, images, textes, projections, qui servent comme un conférencier en fait, qui servent à appuyer le discours. Donc tout ça est projeté en même temps que le conférencier parle, que les conférenciers parlent en même temps, avec plusieurs fenêtres de projection qui apparaissent comme si on regardait un écran d'ordinateur avec plusieurs fenêtres ouvertes en même temps sur l'écran. Donc le plateau, c'est exactement ça, avec plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, et les conférenciers qui parlent et qui sont en effet dans l'oralité. C'est-à-dire que la particularité de ce spectacle, c'est qu'on n'a pas de texte. Mmh. Et comme on n'a pas de texte, d'abord, ça crée des situations parfois incongrues qui ne se produisent qu'une fois, puisqu'elles sont liées à l'improvisation de ce jour-là. Mais surtout, ça crée une immédiateté, un rapport au public qui est très frontal de toute façon, puisqu'on est dans la forme du colloque et de la conférence, donc on s'adresse au public. Mais ça crée, voilà, c'est ce que je voulais dire, ça crée une immédiateté qui est assez vertigineuse sur scène, voilà. Alors, j'ai compris aussi que ce n'est pas un discours déclinologue comme on pourrait supposer. Quand on parlait du groupe de recherche et d'action en limitologie, ce n'est pas forcément par l'acceptation des limites, mais plutôt la volonté d'en découdre qu'il est question dans l'intervention des uns et des autres. Oui, voilà, c'est ça. L'idée est vraiment de jouer avec les limites, d'en découdre, de les analyser pour essayer de les contourner, non pas dans un esprit de « oh là là, le monde va mal et on va tous mal finir », mais oui, le monde va mal et puis on va trouver plein de solutions. On va trouver des solutions, on va analyser les limites, on va trouver des solutions réelles, des solutions absurdes, mais on va tenter de faire avec et de continuer de vivre, bien sûr. Mmh. Le public, la rencontre avec le public est essentielle, effectivement. On peut imaginer une forme d'interaction, d'interactivité avec le public ? Il n'y a pas d'interactivité au sens où il n'y a pas d'ouverture au public pour une prise de parole du public. c'est un spectacle pour autant, il n'y a pas de quatrième mur non plus, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une adresse publique et on pourrait réagir à des sollicitations du public, mais ça n'a pas été pensé, le spectacle n'a pas été pensé comme ça. Le spectacle a été pensé vraiment comme une conférence, comme quand on va dans un colloque, en fait, où en tant que spectateur, auditeur, on va dire, on assiste au colloque. Peut-être que après le colloque, il y a un temps d'ouverture à des questions du public. Là, nous, on ne l'a pas fait, mais très souvent, les théâtres nous proposent des bords de plateau et on peut considérer que le bord de plateau est la dernière partie du spectacle. Oui. Il y aura cependant une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation du 18 oui. mars, du mercredi 18 mars, qui aura lieu effectivement au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Il y aura une deuxième représentation le lendemain, jeudi 19 mars à 19h30. Durée du spectacle 1h40, donc forcément intense, vu le nombre de sujets qui vont être abordés. Oui, intense, 1h40, si on est doué, parce qu'on n'arrive pas toujours à les tenir, parce que comme je vous le disais, on est dans l'oralité, et parfois le spectacle varie, peut prendre 5 minutes ou 6-7 minutes, donc des fois ça va jusqu'à 1h45, voilà. J'ai lu comme mot d'ordre de l'auteur, point de défaitisme, vous parliez de solutions, de chercher, de trouver des solutions, seriez-vous un irréductible optimiste ? Non, pas forcément, mais je veux l'être. Je travaille à l'être. Voilà. Je veux l'être. J'ai des enfants et je veux me projeter et les projeter dans un monde possible. En même temps, vous écrivez aussi, vous dites que l'effondrement de notre civilisation est une excellente nouvelle pour les abeilles, les girafes et les morues, et pas que. Oui, précisément. Plus on s'effondrera, oui, et même je pourrais dire plus on s'effondrera vite, en tous les cas plus le monde qui produit leur effondrement s'effondrera vite, plus toutes ces autres espèces vivantes auront des chances de continuer à vivre. Merci Frédéric Ferrer pour nous avoir éclairé sur ce sujet et ce spectacle à découvrir les mercredis 18 mars à 20h30, jeudi 19 mars à 19h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise à l'invitation de Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise. Je précise également que ce spectacle est organisé en lien avec le séminaire Penser l'effondrement qui aura lieu quelques jours auparavant, le jeudi 12 mars de 14 à 18h à l'université de Cergy Pontoise. CY Cergy Paris Université au site Saint-Martin à Pontoise. Grand merci à vous. Merci à vous.